Chapitre 17e, la sœur de Paul. Olivia Marchmont s'enferma une fois encore dans sa triste chambre, sans faire aucun effort pour trouver la maîtresse de Marchmont Towers qui avait disparu. Elle était indifférente à tout ce que les langues calomnieuses de ses voisins pourraient dire d'elle. Elle s'endurcissait de plus en plus dans son désespoir. À son père et à quiconque l'interrogea sur l'absence de Mary, car l'histoire de la fuite de la jeune fille ne tarda pas à se propager au dehors, les serviteurs des Towers n'ayant pas reçu l'ordre de garder le secret, Mrs. Marchmont répondit avec tant de froideur et de réserve déterminée qu'elle imposa silence à toutes les questions à venir. Ainsi donc, les habitants de Camberling et de Swampington et toute la gentry campagnarde des environs de Marchmont Towers eurent un mystère et un scandale à leur portée, qui leur fournit matière à de nombreuses discussions et fit agréablement diversion à la monotonie ennuyeuse de leur existence. Mais il y eut quelques questionneurs que Mrs. Marchmont eut de la peine à tenir à distance. Il y eut quelques intrus qui osèrent s'imposer à la solitude de cette femme morose et qui ne voulurent pas comprendre que leur présence lui était odieuse et leur société affreusement insupportable. Ces personnes furent le médecin et sa femme, qui s'étaient installés tout récemment à Camberling, parce que la meilleure clientèle du village n'avait été transmise à personne à la mort du vieux patricien à tête grise et à système de vie bien réglé, qui pendant bien des années avait partagé avec un seul concurrent la responsabilité de veiller sur la santé des habitants du village de Lincolnshire. Ce ne fut qu'une semaine après la fuite de Mary Marchmont que ces visiteurs malvenus se montrèrent pour la première fois aux Towers. Olivia était assise toute seule dans le cabinet de son défunt mari, le salon où elle s'était tenue le matin des funérailles de John Marchmont, chambre sombre et triste, boisée en chêne noirci, et ne recevant le jour que par une fenêtre Tudor à encadrement massif, qui avait vu sur le quadrangle et qui surplombait cette colonnade de l'ancien cloître sous laquelle Edward et Mary s'étaient promenés dans la matinée de la fuite de la jeune fille. Ce cabinet boisé était un appartement que la grande majorité des femmes ayant à sa disposition tout Marchmont Towers eût très probablement refusé de choisir. Mais la tristesse de cette chambre était en harmonie avec le noir chagrin qui s'était emparé de l'âme d'Olivia. Et la veuve fuyait la façade orientale qu'éclairait le soleil, comme elle avait fui tout soleil et toute joie au monde pour habiter ici, où les rayons radieux de l'été pénétraient rarement à travers les vitraux coloriés de la fenêtre, où l'ombre du cloître cachait la vue resplendissante du beau ciel bleu. Elle était assise dans cette chambre, assise auprès de la fenêtre ouverte, dans un fauteuil en chêne sculpté et poli, à dossier très haut, et appuyait sa tête contre l'angle de la fenêtre en pierre. Son beau profil était mis en relief par le rideau vert sombre, dont les plis descendaient du plafond bas jusqu'à terre et formaient un sombre arrière-plan à la figure de la veuve. Mrs. Marchmont avait mis de côté toutes les misérables soieries et vanités qu'elle avait fait venir de Londres dans un moment de folie ou de caprice, et elle avait repris sa robe noire de deuil dont l'étoffe manquait de reflets. Elle tenait un livre à la main, quelques nouvelles fictions populaires que tout le Lincolnshire s'empressait de lire. Mais bien que ses yeux fussent fixés sur les pages ouvertes devant elle et que sa main tournât machinalement les feuillets à des intervalles réguliers, le roman à la mode n'était pour elle qu'une fatigante répétition de phrases, une succession ennuyeuse de mots toujours entremêlés des images d'Edward Arundel et de Mary Marchmont qui se dessinaient sur chaque page pour se moquer de la lectrice sans espoir. Olivia jeta enfin le livre loin d'elle avec un cri de rage étouffé. « N'y a-t-il aucun remède qui puisse guérir cette maladie ? » murmura-t-elle. « N'y a-t-il que la folie ou la mort pour m'en débarrasser ?» Mais le désespoir qui avait rendu cette femme infidèle à toutes ses croyances l'avait habituée à douter que la mort ou la folie puissent lui procurer l'oubli de son angoisse. Elle doutait de la paix de la tombe et croyait à demi que la torture de la fureur jalouse et de l'amour dédaigné la poursuivrait jusque dans la mort, entrer son cercueil, l'écarterait du ciel et la plongerait dans un autre monde horrible où elle la tourmenterait éternellement. Parfois, il lui arrivait de songer que folie devait signifier oubli, mais parfois aussi, elle frissonnait d'épouvante et d'horreur à l'idée que dans l'esprit égaré d'une folle, l'image de la douleur qui lui avait fait perdre la raison pouvait conserver encore sa place et s'offrir à son imagination sous une forme tronquée, exagérée, sous une fausse apparence gigantesque, 10 000 fois plus terrible que la réalité. En se rappelant les rêves qui troublaient son sommeil agité, ces rêves, qui, par leur horreur fiévreuse, n'étaient presque que des intervalles de délire, il est à peine étrange qu'Olivia Marchmont eût de semblables idées. Elle n'avait pas succombé au mal et au désespoir sans lutter longtemps et à plusieurs reprises. 100 fois, elle s'était abandonnée au démon qui la guettait pour s'emparer d'elle, et 100 fois, elle avait essayé d'arracher son âme à leur redoutable puissance. Mais ses efforts les plus violents avaient été inutiles. Peut-être était-ce parce qu'elle n'avait pas adopté un bon plan de défense. Ce fut assurément pour cette raison qu'elle échoua si complètement dans sa tentative pour dominer son désespoir, car sans cela, cette terrible croyance, attribuée aux calvinistes, croyance qui enseigne que quelques âmes sont condamnées en naissant, eût été justifiée par l'exemple de cette femme. Elle ne pouvait oublier, elle ne pouvait chasser ou étouffer cette haine furieuse qui la consumait comme un feu dévorant, et elle s'écriait dans son agonie « N'y a-t-il aucun remède qui puisse guérir cette maladie ?» Je crois que son erreur provenait de ce qu'elle ne s'adressait pas au bon médecin. Elle faisait du charlatanisme avec son âme, comme quelques personnes en font avec leur corps. Elle se servait de ses remèdes à elle plutôt que de recourir aux simples prescriptions du divin guérisseur de tous les maux, confiante en elle-même et n'ayant que du mépris pour les faiblesses contre lesquelles se révoltait sa fierté, elle en appelait à son intelligence et à sa volonté pour sortir du bourbier moral où son âme s'était plongée. Elle disait « Je ne suis pas femme à devenir folle d'amour pour une figure d'enfant. Je ne suis pas femme à mourir d'une stupide passion imaginaire que la plus niaise des pensionnaires aurait honte d'avouer à une compagne. Je ne suis pas femme à faire ceci et je me guérirai moi-même de ma folie. » Mrs. Marchmont fit un effort pour reprendre son genre de vie d'autrefois, avec ses devoirs réguliers et incessants, avec son abnégation perpétuelle. Si elle eût été catholique romaine, elle serait allée au couvent le plus rapproché et aurait demandé la permission de prononcer les vœux qui pouvaient, dans le plus bref délai, élever une barrière entre elle et le monde. Elle aurait passé de longues et tristes journées dans des prières secrètes perpétuelles, et elle aurait creusé un peu plus les dalles déjà usées par les genoux des autres fidèles. Mais, avec sa religion, elle se traça à sa manière un régime de pénitence. Elle parcourut de longues distances à pied pour visiter ses pauvres, alors qu'elle aurait pu faire le trajet en voiture. Elle s'exposa à la pluie et au mauvais temps, elle s'imposa des fatigues inutiles et revint le soir chez elle, les pieds tout meurtris, pour s'évanouir dans les robustes bras de sa servante à mine rébarbative, la fidèle Barbara. Mais cette pénitence volontaire ne chassa pas Edward Arundel et Mary Marchmont de l'esprit de la veuve. Eût-elle traversé une fournaise ardente, que leurs images l'eussent hantée quand même et se fussent montrées à elle vivaces et palpables, même dans les angoisses de la mort. La fatigue de ces longues et tristes promenades rendit Mrs. Marchmont maigre et pâle. À force de s'exposer à la tempête et à la pluie, elle gagna une toux sèche et douloureuse qui la tourmenta le jour et troubla son sommeil agité la nuit. Aucun bien ne parut résulter de ses efforts, et les démons qui se réjouissaient de sa faiblesse et de son insuccès la réclamèrent comme une proie qui leur appartenait. Ils la réclamèrent comme leur appartenant, et ils ne manquèrent pas d'agents terrestres qui travaillaient patiemment à leur service et s'empressaient de leur venir en aide pour assurer la chute de leur victime. La grande horloge du quadrangle avait sonné 3h30. L'après-midi de cette journée d'août était d'une chaleur accablante. Mrs. Marchmont avait fermé les yeux après avoir jeté son livre, et il s'était assoupi. Ses nuits étaient sans sommeil, et la chaleur du jour avait influé sur elle. Elle fut tirée de ce demi-sommeil par Barbara Simons, qui entra dans la chambre, apportant deux cartes sur un plateau, le même vieux plateau d'argent armorié sur lequel la carte de Paul Marchmont avait été apportée à la veuve 3 ans auparavant. L'Abigail se tint debout à moitié chemin, entre la porte et la fenêtre, auprès de laquelle la veuve était assise, et jeta sur la figure de sa maîtresse un regard scrutateur. Elle avait changé depuis le retour du capitaine, et elle a changé encore depuis qu'il est reparti, se dit la servante. Ça a été comme autrefois au presbytère quand il allait et venait. Je me demande comment il se fait qu'il n'ait rien ressenti pour elle. Il aurait pu s'apercevoir de l'amour qu'elle a pour lui, s'il eut des yeux pour observer sa figure, ou des oreilles pour écouter sa voix. Elle est plus belle que l'autre et plus savante aussi, mais elle tient les amoureux à l'écart. Elle semble leur avoir toujours fait peur. Je crois qu'Olivia Marchmont aurait arraché le cœur à sa servante si elle avait connaissance des pensées qu'elle se permettait, si elle avait su que la femme qui la servait et recevait d'elle un salaire osait deviner son secret et réfléchir sur sa souffrance. La veuve s'éveillait tout à coup et releva la tête en fronçant les sourcils d'un air d'impatience. Elle n'avait pas été éveillée par le bruit de la porte qui s'ouvrait, mais par cette sensation désagréable qui annonce presque toujours la présence d'un étranger, un dormeur d'un tempérament nerveux. « Qu'y a-t-il, Barbara ? » demanda-t-elle. Puis, apercevant les cartes, elle ajoute avec colère « Ne vous ai-je pas dit que je ne voulais pas recevoir de visiteurs aujourd'hui ? Ma toux m'a épuisé et je suis trop malade pour voir n'importe qui. » « Oui, Miss Levy, » répondit la servante. Elle donnait encore, de temps en temps, ce nom à sa maîtresse, tant il lui était devenu familier, pendant l'enfance et la jeunesse de la fille du recteur. « Je n'ai pas oublié votre recommandation, Miss Levy. J'ai dit à Richardson que vous ne vouliez pas être dérangée. Mais cette dame et ce gentleman ont déclaré que si vous voyez ce qu'il y a décrit sur le dos de l'une des cartes, vous feriez certainement une exception en leur faveur. Je crois que c'est la dame qui a fait cette remarque. Elle est entre deux âges, très bavarde et a des manières agréables, ajouta la rigide Barbara, ne perdant rien de sa rigidité à mesure qu'elle parlait. Olivia saisit les cartes sur le plateau. « Pourquoi ces gens-là m'ennuient-ils de la sorte ? » s'écria-t-elle avec impatience. « N'aurais-je donc plus le droit de m'endormir même 5 minutes sans qu'un intrus quelconque vienne troubler mon sommeil ?» Barbara Simons regarda la figure de sa maîtresse. L'anxiété et la tristesse se montrèrent faiblement sur la figure épaisse de la servante. Un observateur attentif, pénétrant au-dessous de cet air impassible et solennel, qui était l'expression habituelle de la physionomie de Barbara, aurait pu découvrir un secret. La froide servante aimait sa maîtresse d'une affection jalouse et réfléchie, qui s'apercevait de chaque changement survenu chez l'objet aimé. Mrs. Marchmont examina les deux cartes qui portaient les noms de Mr. et Mrs. Weston, Kemberling. Sur le dos de la carte de la dame se trouvaient écrits au crayon les quelques mots suivants. « Mrs. Marchmont voudra-t-elle avoir la bonté de recevoir Lavinia Weston, sœur cadette de Paul Marchmont et parente de Mrs. Marchmont ?» Olivia haussa les épaules en rejetant la carte. « Paul Marchmont, Lavinia Weston, » murmura-t-elle. « Oui. » Je me souviens de lui avoir entendu dire qu'il avait une sœur mariée à un médecin de Stanfield. « Faites entrer ces personnes, Barbara !» La servante regarda sa maîtresse avec un air de doute. « Vous lisserez sans doute vos cheveux, et vous vous rafraîchirez la figure avant de voir ces visiteurs, n'est-ce pas, Miss Levy » dit-elle d'un ton qui tenait à la fois celui de la conseillère et de la suppliante. « Vous avez eu beaucoup d'ennuis dans ces derniers temps, et cela vous a donné une mine un peu fatiguée. « Je ne voudrais pas que les gens de Kemberling disent que vous êtes malade. » Mrs. Marchmont se retourna avec fureur vers Abigail. « Laissez-moi seule !» s'écria-t-elle. « Qu'est-ce que cela peut vous faire à vous ou à n'importe qui, la mine que j'ai ?»« À quoi m'a donc servi ma belle figure pour que je m'en occupe ?» ajouta-t-elle à voix basse. « Introduisez ces personnes puisqu'elles désirent me voir. »« Je les ai introduites dans le salon occidental, madame. Richardson les y a amenées. » Barbara Simons tenait bon pour sauver les apparences. Elle voulait que la fille du recteur reçût ces étrangers, qui avaient eu l'audace de venir l'importuner, d'une façon convenable pour la dignité de la veuve de John Marchmont. Elle jeta un regard furtif sur le désordre de la chambre obscure. Des livres et des papiers étaient épars, çà et là. Le foyer et la traverse disparaissaient sous des monceaux de lettres déchirées, car Olivia Marchmont n'avait aucune tendresse pour les reliques du passé. Il prenait même un certain plaisir à détruire tout ce qui lui rappelait sa vie sans joie et sans amour. Les chaises en chêne, un grand dossier, avaient été dérangées de leur place, le tapis vert qui recouvrait la table avait été à moitié tiré et traîné par terre. Un livre avait été jeté par-ci, un châle par-là, et un mouchoir ailleurs. Le secrétaire était ouvert, les papiers y étaient en désordre et l'encrier découvert, Bref, tout dans la chambre attestait la négligence de celle qui l'occupait. Il n'était donc pas nécessaire d'être un habile psychologue pour conclure de tout cela que son esprit n'était pas dans son assiette et qu'elle avait cherché à secouer son ennui par une douzaine d'occupations différentes sans qu'aucune eût pu la distraire. C'était le vague sentiment de quelque chose de ce genre qui causait l'anxiété de Barbara Simons. Elle voulait tenir les étrangers à l'écart de cette chambre où sa maîtresse pâle, au trait hagard et fatigué, dévoilait son secret par tant de manières. Mais avant qu'Olivia eût pu répondre au conseil de sa servante, la porte que Barbara avait laissée entr'ouverte fut poussée très doucement par quelqu'un, et une douce voix dit d'un ton gai assez semblable au caquetage des oiseaux. « Je suis bien sûr que vous me permettrez d'entrer, n'est-ce pas, Mrs. Marchmont ?» L'impression produite sur moi par la description que mon frère Paul m'a faite de vous est si agréable que je me hasarde à me présenter sans y être invité, malgré votre défense, peut-être. La voix et les manières de celle qui parlait étaient si légères et si calmes, il y avait tant de gaieté et d'amabilité dans chaque inflexion, qu'Olivia Marchmont, en se levant de sa chaise, porta la main à son front, comme si elle eût été éblouie et confondue par les roulades bruyantes de quelque oiseau de cage. Que signifiaient ces accents de gaieté, ces sons clairs et francs, qui semblaient perçants et fort peu harmonieux aux oreilles de la femme désespérée? Elle se tint debout, pâle et harassée, et regarda sa visiteuse comme lui regardait la statue de la tristesse et de la souffrance. Elle était encore beaucoup trop absorbée par la douleur pour songer, en ce premier moment, aux dures exigences de la fierté. Elle resta immobile, révélant par son air, son attitude, son silence, son oubli de toute chose, toute une longue histoire aux yeux observateurs qui la contemplaient. Mrs. Weston demeura sur le seuil de la porte de la chambre, dans une attitude gracieusement embarrassée, qui exprimait d'une façon charmante la lutte que soutenait chez elle la défiance d'une pauvre et modeste parente, contre son désir de se précipiter dans les bras d'Olivia. La femme du médecin était petite et frêle. Ses traits semblaient la reproduction féminine en miniature de ceux de son frère Paul. Elle avait des cheveux blonds cendrés, si cendrés que s'ils étaient en une seule nuit devenus blancs comme ceux de l'artiste, très peu de personnes se fussent probablement aperçues du changement. Lavinia Weston était éminemment ce qu'on appelle en général une femme qui a du savoir-vivre. Elle savait toujours adopter le système de conduite que nécessitait la circonstance. Elle ne se contentait pas d'un à peu près, elle prenait la mesure complète du ton de la personne à qui elle avait affaire. Elle s'était, pour ainsi dire, fabriqué un système homéopathique de bonne manière, et elle mesurait la politesse et la courtoisie par globule, sans jamais en administrer trop ou trop peu. Pour son mari, elle était un trésor inappréciable, et si le médecin du Lincolnshire, qui était un homme gros, à figure solennelle et à caractère aussi uni et aussi monotone que les plaines et les marais de son pays natal, était mené par sa femme, l'autocrate féminin tenait les rênes du gouvernement avec tant de légèreté que son sujet obéissant savait à peine combien peu responsable était devenue l'autorité de sa femme. Pendant qu'Olivia Marchmont faisait face à la visiteuse importune, qui hésitait avec timidité et se trouvait séparée d'elle par toute la largeur de la chambre, Lavinia Weston, avec sa robe en mousseline bouffante et son écharpe, son joli chapeau, ses beaux rubans et ses gants bien tirés, avait un peu l'air d'un audacieux canari qui se proposait d'envahir la tanière d'une lionne affamée. La différence physique et morale entre l'oiseau timide et la féroce reine des forêts eût à peine pu être plus grande que celle qui existait entre les deux femmes. Mais Olivia ne demeura pas éternellement embarrassée et silencieuse en présence de sa visiteuse. Sa fierté vint à son secours. Elle se tourna sèchement vers l'importune. « Entrez, s'il vous plaît, Mrs. Weston, » dit-elle, « et asseyez-vous. » « On a refusé de vous introduire tout à l'heure, parce que j'ai été malade et que j'ai donné ordre à mes domestiques de refuser ma porte à tout le monde. »« Mais, ma chère Mrs. Marchmont, » murmura Lavinia Weston d'une voix douce, ressemblant presque au roucoulement d'une tourterelle, « si vous avez été malade, votre maladie était une raison de plus pour vous décider à nous voir au lieu de nous éloigner de chez vous. Je ne voudrais pas certainement dire un seul mot qui fût de nature à offenser votre médecin habituel. Vous avez un médecin en titre, sans doute, celui de Swampington, je suppose. Mais la femme d'un médecin peut souvent être utile là où un médecin n'est bon à rien. Il y a de petites maladies nerveuses, l'abattement d'esprit, le malaise mental, qui font souffrir beaucoup les femmes les femmes sensibles surtout, et que la nature plus raffinée de la femme est peut-être seule à même de comprendre parfaitement. « Vous n'avez pas bonne mine, chère Mrs. Marchmont. J'ai laissé mon mari au salon, car je tenais beaucoup à ce que notre première entrevue eût lieu sans témoin. Les hommes jugent les femmes sentimentales quand elles ne font que céder à leurs impulsions. Weston est une bonne créature, au cœur simple, mais il ne connaît pas plus l'esprit de la femme qu'il ne connaît les harpes éoliennes. Quand la corde vibre, il entend le son faible et plaintif, mais il n'a aucune idée de ce qui produit la mélodie. Il en est de même à notre égard, Mrs. Marchmont. Ces médecins nous examinent dans les souffrances de l'hystérie. Ils entendent nos soupirs, ils voient nos larmes. Et dans leur ignorance et leur manque d'instruction, ils prescrivent les remèdes vulgaires de la pharmacopée. Non, chère Mrs. Marchmont, vous n'avez pas bonne mine. Je crois que chez vous, c'est l'esprit qui a été malmené, n'est-ce pas qu'il en est ainsi ? Mrs. Weston pencha sa tête de côté en adressant cette question et sourit à Olivia d'un air de douce insinuation. Si la femme du docteur désirait sonder les profondeurs de l'âme triste de la veuve, elle avait en ce moment un avantage, car Mrs. Marchmont avait été surprise par cette question adressée peut-être au hasard, ou peut-être aussi avec une intention mûrement réfléchie. Olivia se tourna avec fierté vers la questionneuse polie. « Je n'ai pas souffert d'autre chose que d'un rhume que j'ai gagné l'autre jour, » dit-elle. « Je ne suis pas sujet à cette hystérie de grande dame dont vous parlez, Mrs. Weston. » La femme du docteur contracta ses lèvres en un sourire sympathique et ne fut pas du tout déconcertée par cette rebuffade. Elle s'était assise sur l'une des chaises à dossier élevé et avait étalé autour d'elle sa robe de mousseline bouffante. Elle ressemblait à une personnification vivante de tout ce qui est propre, soigné et vulgaire, et faisait contraste à la femme pâle, à figure sévère, qui se tenait debout, rigide et défiante, sous sa longue robe noire. « J'en suis charmée, » s'écria Mrs. Weston. « Vous n'êtes donc pas réellement nerveuse. Et moi qui m'étais imaginé, d'après ce que m'avait dit mon frère Paul, qu'une femme aussi richement douée que vous devait être nerveuse. Mais en vérité, je crains d'être indiscrète et d'abuser de notre légère parenté. C'est bien une parenté, n'est-ce pas, quoique très légère ? Je n'ai jamais réfléchi sur ce sujet, » répondit froidement Mrs. Marchmont. « Je suppose cependant que mon mariage avec le cousin de votre frère et mon cousin à moi a établi entre nous une espèce de lien. Mais M. Marchmont m'a donné à entendre que vous habitiez Stanfield, Mrs. Weston. Nous y avons demeuré jusqu'à la semaine dernière, oui, jusqu'à la semaine dernière, positivement, » répondit la femme du médecin. « Je vois que vous ne vous intéressez guère au commérage de village, Mrs. Marchmont, ou sinon vous auriez appris le changement qui s'est fait à Camberling. Quel changement ? L'achat fait par mon mari de la clientèle du pauvre vieux M. Dornfield. Le cher homme est mort il y a un mois. Vous avez appris sa mort, évidemment. Et M. Weston a négocié l'achat avec M. Dornfield en moins d'une quinzaine. Nous sommes arrivés au commencement de la semaine dernière et nous avons déjà commencé à nous faire des amis dans le voisinage. Comme c'est étrange que vous n'ayez pas entendu parler de notre arrivée. Je ne vois pas beaucoup de monde, répondit Olivia avec indifférence, et je ne suis jamais au courant des nouvelles de Camberling. Ah ! S'écria Mrs. Weston, ce n'est pas comme nous, qui nous occupons tant à Camberling de Marchmont Towers. En parlant, elle regarda la veuve bien en face, et son sourire stéréotypé fit place à une expression d'avide curiosité, d'intérêt puissant qu'elle ne put cacher. Cette expression et le ton de sa dernière phrase disaient aussi bien que des paroles. J'ai entendu parler de la fuite de Mary Marchmont. Olivia le comprit, mais sa folie furieuse et absorbante l'empêchait de pénétrer les intentions ou les motifs d'autrui. Elle se révoltait contre cette Mrs. Weston et la trouvait ennuyeuse, parce qu'elle était venue troubler sa désolation. Mais elle n'eut aucune idée de l'intérêt que pouvaient avoir pour Lavinia Weston les actions de Mary. Elle ne se rappela pas que la frêle existence de la jeune orpheline était le seul obstacle entre le frère de cette femme et le riche héritage de Marchmont Towers. Aveugle et oublieuse de tout, dans le hideux égoïsme de son désespoir, qu'était Olivia Marchmont, sinon un instrument commode, facile à manier et à diriger par des gens peu scrupuleux, dont la dure intelligence n'avait jamais été embrouillée par la passion. Mrs. Weston avait appris la fuite de Mary Marchmont. mais elle avait entendu raconter cet événement d'une demi-douzaine de manières aussi variées dans leurs détails que si une demi-douzaine d'héritières se fussent enfuies de Marchmont Towers. Chaque commère de l'endroit avait son histoire à elle sur les motifs qui avaient poussé la jeune fille à s'éloigner de sa demeure. Les récits luttaient entre eux de talents, de descriptions et de détails minutieux. Les conversations qui avaient eu lieu entre Mary Marchmont et sa belle-mère, entre Edward Arundel et Mrs. Marchmont, entre le recteur de Swampington et personne en particulier, auraient fourni matière à des volumes, s'il avait fallu en croire les commères de Camberling. Mais, comme chacun assignait une cause différente au terrible malentendu des Towers et une direction différente à la fuite de Mary, et comme l'employé du chemin de fer qui aurait pu éclairer la question était un homme roide et bourru, peu affable envers ses pareils, et qui avait persisté à se taire, il n'était pas facile d'approcher de la vérité. En pareilles circonstances, Mrs. Weston avait donc décidé qu'elle irait puiser ses renseignements à la source première et qu'elle ferait une visite à la cruelle belle-mère, qui, d'après quelques-uns des cancans, avait assommé et battu la fille de son défunt mari. « Oui, chère Mrs. Marchmont, » dit Lavinia Weston, voyant qu'il était nécessaire d'aller droit au but si elle tenait à arracher la vérité à Olivia. « Oui, nous savons tout à Camberling, et il est à peine nécessaire, je crois, de vous informer que nous avons appris les chagrins que vous avez eu à endurer depuis votre bal. Ce bal, dont on parle comme de la plus brillante et la plus agréable soirée qui se soit donnée depuis longtemps dans le voisinage. Nous avons su la triste nouvelle de la fuite de cette jeune fille. » Mrs. Marchmont releva la tête en fronçant le sourcil, mais ne répondit pas. Était-elle... La question est réellement si pénible que j'ai peur de l'adresser. Mais Miss Marchmont était-elle tout à fait excentrique? Un peu faible d'esprit? Pardonnez-moi, je vous en prie, si cette question vous fait de la peine, mais... Olivia tressaillit et dévisagea hardiment sa visiteuse. Faible d'esprit? Non, dit-elle. Mais en parlant, ses yeux se dilataient, ses joues pâles pâlissaient plus encore, sa lèvre supérieure frémissait convulsivement. Il semblait que quelque idée nouvelle venait de s'offrir à elle avec tant de promptitude que la respiration lui manquait. « Pas faible d'esprit, » répéta Lavinia Weston. « Ah, c'est consolant d'apprendre cela. Évidemment, Paul n'a que fort peu vu sa cousine et il n'a pas été à même de juger, quoique ses opinions, quelque promptement formées qu'elles soient, ne paie jamais par l'exactitude. Mais il m'a donné à comprendre qu'il pensait que Miss Marchmont semblait un peu, rien qu'un peu, faible d'esprit. Je suis bien aise de voir qu'il s'était trompé. » Olivia ne répondit pas à ce discours. Elle s'était rassise dans son fauteuil auprès de la fenêtre. Elle regardait droit devant elle dans le quadrangle d'allée et ses mains reposaient immobiles sur ses genoux. Elle avait l'air de ne pas avoir conscience de la présence de sa visiteuse, ou tout au moins d'être pour elle si complètement indifférente qu'elle ne daignait pas se donner la peine de s'intéresser à la conversation. Lavinia Weston revint de nouveau à l'attaque. « Je vous en prie, Mrs. Marchmont, ne me jugez pas importune ou indiscrète, » dit-elle d'un ton suppliant, « si je vous demande de vouloir bien me faire connaître les véritables détails de ce triste événement. » Je suis persuadé que vous serez assez bonne pour vous souvenir que mon frère Paul, ma sœur et moi, nous sommes les plus proches parents de Mary Marchmont du côté de son père et que nous avons par conséquent quelques droits de nous intéresser à elle. » Par ce discours très poli, Lavinia Weston remettait clairement en mémoire à la veuve l'insignifiance de sa position à elle, à Marchmont Towers. Dans sa situation d'esprit ordinaire, Olivia aurait ressenti cette offense, mais en ce moment elle l'entendit à peine et n'y prit pas garde. Elle réfléchissait avec une persistance stupide, déraisonnable, sur ses mots, faible d'esprit. Ce ne fut qu'à l'aide d'un effort qu'elle parvint à s'arracher à ses réflexions pour répondre à la question de Mrs. Weston quand cette dame la répéta en termes très clairs. « Je ne puis rien vous raconter au sujet de la fuite de Miss Marchmont, » dit-elle froidement. Si ce n'est qu'elle a bien voulu s'éloigner de chez elle. Sa conduite dans la nuit du bal m'ayant paru répréhensible, je lui en fis l'observation, et le lendemain matin, elle partit sans assigner aucun motif, à moi, du moins, à sa fuite absurde et peu convenable. Elle ne vous a donné aucun motif à vous, chère Mrs. Marchmont, mais elle en a donné à quelqu'un, je pense, d'après ce que vous dites. Oui, elle a écrit à mon cousin, le capitaine Arundel. Et lui disait-elle le motif de son départ? Je ne sais, je l'ai oublié. La lettre n'avouait rien, clairement. Elle était sans suite et incohérente. Mrs. Weston soupira. Son soupir semble venir du fond de sa poitrine. Sans suite et incohérente, murmura-t-elle d'un ton pensif. Comme Paul sera désolé d'apprendre tout ceci. Il prenait tant d'intérêt à sa cousine. Jeune et frêle créature, m'a-t-il dit. Oui, il s'intéressait beaucoup à elle, Mrs. Marchmont, quoique vous ayez peut-être de la peine à me croire en m'entendant parler ainsi. Il s'est tenu à l'écart de Marchmont avec intention. Sa nature délicate l'a poussé à s'abstenir même de révéler sa sympathie pour Miss Marchmont. Sa position, si vous vous en souvenez, est vis-à-vis de cette pauvre jeune fille excessivement délicate. Je pourrais même dire pénible. Olivia ne se souvenait de rien. La valeur du domaine de Marchmont, la sordide valeur en argent de ces vastes fermes qui s'étendaient jusque dans le Yorkshire, les revenus bien calculés et pitoyables pour elle qui faisaient de Mary une riche héritière, étaient si loin des sombres pensées de cette femme désespérée qu'elle ne soupçonnait pas plus Mrs. Weston d'avoir eu des projets intéressés en venant aux Towers que d'avoir eu l'idée de voler l'argenterie du buffet. Elle songeait seulement que la femme du docteur était ennuyese et que sa politesse entêtée la fatiguait et la révoltait, au point d'avoir presque le désir de la faire mettre à la porte. Dans cette désagréable situation d'esprit, Mrs. Marchmont poussa un soupir d'impatience qui était une indication suffisante pour une tacticienne aussi accomplie que sa visiteuse. « Je sais que je vous ai ennuyé, ma chère Mrs. Marchmont, » dit la femme du médecin, se levant et arrangeant pendant qu'elle parlait son écharpe en mousseline en signe de départ immédiat. « Je suis réellement désolé de vous voir souffrir de cet affreux toux, mais vous avez sans doute le meilleur médecin. Monsieur Barlow de Swampington, m'avez-vous dit, je crois ?» Olivia n'avait nullement parlé de cela. « Et j'espère que la chaleur de la saison empêchera votre rhume de dégénérer en catarrhe. Si j'osais vous conseiller la flanelle, il y a une foule de jeunes femmes qui ridiculisent la flanelle, mais en ma qualité de femme d'un humble praticien de province, j'ai pu apprécier sa valeur. Au revoir, chère Mrs. Marchmont. Je pourrais revenir, n'est-ce pas, maintenant que la glace est rompue et que nous avons si bien fait connaissance. Au revoir. » Olivia ne put se refuser à prendre au moins une des deux mains potelées et étroitement gantées qui lui furent tendues d'un air de franche cordialité. Mais la pression de main de la veuve fut sans vigueur. Et comme il faut qu'une poignée de main ait de la valeur, de même qu'une querelle, et que les deux acteurs prennent la chose au sérieux, on ne peut pas dire que celle-ci fût réellement bonne. Le poney du médecin devait depuis longtemps être fatigué d'attendre devant l'escalier en pierre qui conduisait au portique occidental, lorsque Mrs. Weston prit place à côté de son mari dans le gig qui avait été repeint et verni à neuf à l'occasion du commencement de la nouvelle égire de Stanfield. Le médecin n'était pas un homme ambitieux ni un homme intéressant. Il était simplement stupide et paresseux, quoique malgré lui il menât une vie très active et très laborieuse. Mais il y a une foule d'hommes carrés, dont les flancs sont cruellement torturés par la pression des trous ronds dans lesquels ils se sont maladroitement glissés, et si nos existences étaient toujours en rapport parfait avec nos tempéraments, M. Weston eût été un mangeur de lotus. Quoi qu'il en fût, il était content de mener une vie monotone et de se soumettre avec douceur à tous les désirs de sa femme, faisant ce qu'elle lui disait de faire, parce qu'il était toujours plus facile de lui obéir que de lui résister. Il eût été certainement bien moins possible pour Macbeth de terminer sa vilaine figure du meurtre de Duncan, que d'endurer les reproches amers et méprisants de sa femme concentrée en ces quatre mots « Donnez-moi les poignards !» M. Weston fit une ou deux questions banales à sa femme sur son entrevue avec la veuve de John Marchmont, mais s'apercevant lentement que Lavinia ne se souciait guère de discuter à ce sujet, il retomba dans le silence et consacra toutes les forces de son intelligence à faire éviter au poney les ornières profondes creusées sur la route inégale entre Marchmont Towers et la grande rue de Kemberling. Quel est le secret de la vie de cette femme? Se demanda Lavinia Weston pendant son retour chez elle. A-t-elle maltraité la jeune fille ou bien a-t-elle tramé quelque complot pour devenir maîtresse de la fortune de Marchmont ? Bon, c'est impossible. Et pourtant, elle peut probablement s'amasser de manière ou d'autre une jolie somme aux dépens du domaine. Quoi qu'il en soit, ces deux femmes sont à couteau tiré.